5, 4, 3, 2, 1, lift off. Dans nombre de films et séries de science-fiction, comme Star Trek, Star Wars ou Battlestar Galactica, on use et abuse de méthodes de transport à des vitesses superluminiques pour passer d'une galaxie à l'autre, comme on prend le métro. Sorti en 2014, le film Interstellar compte plus sérieusement les aventures d'un groupe d'astronautes partis en quête de planètes habitables situées dans une autre galaxie dans l'espoir d'une colonisation future. Sur Terre, en effet, ravages climatiques et famines ont conduit l'humanité à chercher un nouvel habitat dans les mondes lointains. Quand je dis plus sérieusement, je veux dire que le scénario d'Interstellar s'appuie sur des développements de la physique contemporaine allant de concepts relativement bien établis comme les trous noirs et les distorsions temporelles à des idées beaucoup plus spéculatives comme les trous de ver, hypothétiques tunnels de l'espace-temps pouvant offrir des raccourcis pour voyager à des distances normalement inaccessibles. L'astronome Carl Sagan avait déjà exploité l'idée dans son roman Contact, où ses personnages utilisaient des trous de ver pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. Avec Interstellar, il s'agit carrément de se rendre physiquement dans d'autres galaxies. L'idée d'utiliser les trous noirs pour voyager dans l'espace et dans le temps découle de l'une des hypothèses les plus fascinantes de la relativité générale qui décrit la forme extrêmement distordue de l'espace-temps au sein d'un trou noir en rotation. Ce dernier n'aurait pas de fond, mais il abriterait un trou de ver, sorte de connexion entre le trou noir et une autre région de l'univers symétrique du trou noir, appelée simplement « trou blanc », d'où l'énergie et la lumière sortiraient spontanément. À cet égard, je préfère le terme de « fontaine blanche », plus adapté à la situation. Et je précise aussi que dans « trou de ver », le mot « ver » s'écrit « V-E-R hein, » et non pas « V-E-R-R-E » comme je le lis souvent dans les innombrables messages qui me sont adressés. Le terme inventé par le physicien américain John Wheeler provient de l'analogie suivante. Imaginons que l'espace soit représenté par la surface d'une pomme, qui, je vous le rappelle, hein, c'est le symbole de la gravitation depuis Newton. Un ver de type asticot est sur la pomme et il veut aller de l'autre côté. S'il reste à la surface, la distance qui le sépare du point diamétralement opposé est la demi-circonférence. Mais si l'invertébré ronge la pomme en creusant une galerie, il se rend plus directement à destination en empruntant ce trou. Eh bien, dans l'espace-temps relativiste, une particule ou un vaisseau spatial plongeant dans un trou noir ne resterait pas forcément bloqué au fond pour y être détruit par des forces gravitationnelles infinies. Il pourrait traverser sans encombre le trou de ver et ressortir ailleurs dans l'univers, arbitrairement loin dans l'espace et dans le temps, y compris dans leur propre passé. L'hypothèse fascine les physiciens et davantage encore les écrivains de science-fiction, dans la mesure où les trous de ver feraient office de raccourcis permettant de voyager d'un bout à l'autre de l'univers en s'affranchissant des distances normalement impossibles à parcourir en raison de la limitation de vitesse imposée par la lumière. Cela permettrait à une civilisation suffisamment avancée pour maîtriser de telles portes de voyager vers les autres étoiles, voire les autres galaxies. Notons cependant qu'en raison des importantes forces de marée gravitationnelle engendrées par un trou noir, seuls les trous noirs géants, présents au centre des galaxies, et leurs éventuels trous de ver associés ne présenteraient pas de danger pour l'intégrité d'un vaisseau spatial. Si ces modèles existent mathématiquement, il y a hélas peu d'espoir qu'ils correspondent à une quelconque réalité physique. D'une part, aucune fontaine blanche n'a jamais été observée, contrairement au trou noir. D'autre part, même si un trou de ver pouvait se former dans la nature, il serait extrêmement instable et aurait tendance à se boucher à la moindre perturbation, ne serait-ce qu'une particule élémentaire le pénétrant ou, a fortiori, un vaisseau spatial. Mais comme les physiciens théoriciens ne sont jamais à court d'idées, ils ont imaginé que l'on pourrait artificiellement stabiliser un trou de ver en y injectant une forme d'énergie répulsive afin de le traverser sans encombre. Les chroniques de l'espace, Jean-Pierre Luminet.